jour où je te rencontrais, je n'y croyais pas. Que cet amour dérèverait, plus de deux jours ou trois. Nous avons eu beaucoup de chance, oui, beaucoup de chance. Car tu es toute ma vie, et près de toi la vie me sourit. Il faut parfois ce qui était, mais nous savons bien que à la fin de la journée, nous serons si bien. Car si je n'ai pas de royaume, mais pas de couronne, toi tu es toute ma vie, et près de toi la vie me sourit. Oui, tu as su me donner très simplement ce que mon cœur attendait depuis longtemps. Nous avons eu beaucoup de chance, oui, beaucoup de chance, car tu es toute ma vie, et près de toi la vie me sourit. Car tu es toute ma vie, et près de toi la vie me sourit. Car tu es toute ma vie.